et culturelle. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. 3E événements, expériences, émotions. Chambre blanche, jeunes musiciens du monde, Spira, la croisée. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. Le quartier de lune, une seule place, deux ambiances. Piste de danse, spectacle le week-end. Cette semaine, Rick Hughes le 22 et l'hommage au coloc le 23. Karaoké, billard gratuit, 5 à 7, les plaisirs doublés dès 20h tous les soirs. Le quartier de lune, 3e avenue Limoilou. Réserve pour tes parties, 418-523-4011. Devenez notre ami sur Facebook. À l'aérospatial. Hors champ de Julien Boilly à la Galerie 3, Jocelyne Aloucherie et Mélanie Bédard exposent à l'occasion du 40e anniversaire de la bande vidéo et un musée ambulant pour les écoles en zone éloignée. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio sur les arts visuels à Québec. Audrey Caro avec vous pour cette édition du 19 septembre 2017. Et on a une émission assez diversifiée pour vous aujourd'hui. Et on va commencer justement cette émission tout en chronique, bien sûr, en première demi-heure. Lauriane Thibodeau va venir nous faire part de sa visite de l'exposition hors champ de l'artiste Julien Boilly qui est présentée actuellement à la Galerie 3. Et je vous dis, ajustez bien vos lunettes. Bien sûr. Ensuite, Anne-Sophie Homer est de retour cette semaine et va nous parler de deux expositions qui sont présentées à l'occasion des festivités d'ouverture du 40e anniversaire de la bande vidéo. On va traiter ensemble donc des expositions Géométrie de Jocelyne Aloucherie et Phase 1, Objet matière de Mélanie Bédard. Et puis, en deuxième demi-heure, j'aurai le plaisir de discuter avec Jeanne Couture, commissaire et coordonnatrice du musée Ambulant, une toute nouvelle initiative qui a été mise sur pied pour diffuser les arts visuels dans les écoles en périphérie des grandes villes. Bref, pour des enfants qui n'ont pas facilement accès à l'art actuel. Donc, on va découvrir cette belle initiative qui sera lancée plus tard cet automne, début de l'hiver, justement. Et je prendrai bien sûr le temps de faire avec vous cette semaine. Oui, on va se prendre du temps cette semaine pour vous faire part des événements à ne pas manquer en fin d'émission parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses fortes à intéresser à signaler cette semaine. Bien sûr, on commence, comme toujours, aussi avec notre sélection audio qui est réalisée par Simon Roy. Et c'est un artiste qu'on a entendu l'année dernière. Et par contre, c'est un nouvel album que cet artiste nous propose, TV Sky, un groupe d'Australie. Et c'est un album intitulé Being and Time, donc qui est tout nouveau, comme je disais, qui vient tout juste de sortir au mois de septembre. Vous allez voir une techno assez planante. On s'en va écouter un premier extrait, Serenity of the Endless Woods. Thank you. On débute cette émission en compagnie de Lauriane Thibodeau. Bonsoir Lauriane. Bonsoir. Une toute nouvelle collaboratrice. Ouais. Donc c'est super intéressant de t'avoir avec nous ce soir et tu veux nous parler de cette exposition hors champ de Julien Boily qui est présentée à la Galerie 3. Tu l'as d'ailleurs interrogé cette semaine. Interrogé, j'aime ça. Oui. En tout cas, à voir les notes que tu as prises, qu'il a passé à l'interrogatoire. Oui. Donc avec toute cette magnifique rentrée culturelle qu'on a ici à Québec, il y avait beaucoup de choix. Si on parle seulement des expositions en cours présentement, j'ai choisi l'exposition de Julien Boily. À prime abord, je ne savais pas trop pourquoi. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout calée en peinture. Je n'ai pas étudié ça et tout. En communiquant avec lui, en discutant avec lui, en lisant sur son travail, j'ai compris que ce qui m'interpelle particulièrement dans son œuvre puis dans cette exposition-là à la Galerie 3, c'est cette association qu'il fait entre, évidemment, l'histoire de la peinture, des références directes à ces fameuses natures mortes qu'on connaît tous sans même le savoir. Exact. Mais cette affiliation-là qu'il fait avec des objets qu'on connaît, des objets du quotidien. Des objets d'aujourd'hui. Des objets d'aujourd'hui. Très technologiques aussi. Exactement, particulièrement justement dans cette exposition qui est présentée à la Galerie 3. Puis donc, ce savoir-faire qu'il utilise d'une façon très, très, très concrète, on a parlé de ça, c'est quelque chose qui l'anime, c'est évident, mais donc ce savoir-faire auquel il ne se confine pas, c'est très intéressant. Donc à la Galerie 3, ce qu'on voit, ce sont des peintures, d'ailleurs de très grand format, je considère vraiment qu'ils ont un grand impact. Des sérigraphies aussi, donc tout à fait intéressantes, beaucoup plus intimes. Et puis quelques sculptures aussi, qui sont tout aussi vraiment très intéressantes de par leur fabrication, entre autres. Comme dans un autre registre par rapport aux autres éléments un peu, là. Oui, c'est vrai, c'est-à-dire dans l'espace, tu veux dire? Par leur forme, je veux dire, elles viennent un peu, être en contrepoids. Interroger, puis être en contrepoids aussi. Avec leur côté un peu, aigu, hein, facettes, alors que la peinture, c'est très léché, très lisse, il y a un beau contraste. Oui, puis quand on regarde d'anciennes œuvres de Julien Boily, on remarque en fait que cette forme-là revient dans d'autres peintures, entre autres. Donc, il les appelle, et je le cite, « icosaèdres de subdivision 2 ». Il sera très fier, sûrement, que je le mentionne. Donc, ce sont des polyèdres complexes qu'on retrouve, entre autres, dans ces peintures. Donc, ils font référence directement à certains objets qu'il a déjà numérisés, déjà intégrés dans d'autres peintures. Puis, si on s'arrête à ces objets-là, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il est parti de vieux meubles IKEA qu'il a trouvé et il les a fait découper. Donc, c'est une réutilisation très concrète d'objets qui nous entourent énormément au quotidien. Puis, évidemment, une référence à la courte pointe là, qu'on perçoit de par le jeu avec les motifs et tout. Mm-hmm. Puis, évidemment, dans la notion de récupération qu'on associe à la courte pointe. Là. Donc, il y a ces quelques objets qu'on retrouve, objets sculpturaux dans l'exposition. Je dois avouer que ce qui m'a marqué ou l'œuvre qui m'a vraiment interpellée beaucoup, c'est le grand tableau Black Friday. Oui. Donc, verdâtre pour ceux qui ont pu visiter l'exposition. Donc, c'est le tableau qui a vraiment une prédominance de vert. Et qui est disposé sur le mur de briques. Tout à aussi. Fait. Donc, c'est intéressant que c'était choisi celui-là parce que celui qui est souvent mis en valeur, c'est celui qu'on trouve tout au fond la galerie. Hein? Je veux dire, quand même, c'est lui sur lequel on pose souvent notre premier regard la galerie, la profondeur de cette galerie-là. Mais c'est intéressant parce que moi aussi, cette toile-là a attiré mon attention. Je t'écoute. Bien, moi, en fait, ce qui m'a... J'ai tout simplement observé que j'ai passé beaucoup de temps devant. Donc, tout d'abord, c'est clair qu'elle m'interpellait. Puis, En y regardant de plus près, donc dans le travail de Julien Boilly qui est présenté à la Galerie 3 présentement, il y a cette espèce de rendu fantastique des objets qui sont en lévitation. Puis donc, on arrive devant ce Black Friday-là et on a deux sphères. Et quand on regarde les reflets qui sont dessus, évidemment, on voit une foule. Et puis, tout autour des sphères, il n'y a rien. C'est vraiment une espèce de vide. Ça, c'est une sphère miroir. Une sphère miroir, qui reflète oui, quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est à l'extérieur du tableau. Hein. C'est ça. Puis là, en s'y attardant, on se rend compte que finalement, c'est le reflet de ces deux sphères qu'on voit. Donc, c'est cette foule, c'est nous dans cette foule. Mm-hmm. Quand on prend le temps de regarder le titre, donc Black Friday, on comprend l'inconfort de certaines des personnes qu'on voit dans le reflet. Donc, il y a une foule qui est animée d'une espèce de pulsion qu'on comprend liée à ce fameux Boxing Day, donc le jour de vente à rabais qu'on connaît probablement particulièrement ici en Amérique, là. Donc, on se retrouve observé par ces sphères, nous, en quelque sorte dans la foule, puisqu'il n'y a rien autour des sphères autre que nous dans ce fameux reflet. Donc là, il y a vraiment un inconfort qui arrive. Et évidemment, le format du tableau nous amène directement à s'y retrouver. Là, on est carrément dedans. Puis finalement, moi, j'avais l'impression, c'est ce que je partageais à Julien Boilly, de voir ces deux grandes sphères, deux grands yeux qui me regardent, qui regardaient la foule d'ailleurs le soir du vernissage. Oui, puis moi, c'est drôle parce que avant de regarder le titre, j'ai regardé le tableau. Puis là, je me demandais, mais quel événement ça peut raconter? Oui. Justement, on se questionne, puis même on pourrait quasiment dire un événement comme historique, quelque chose de fort. Ou même quand on regarde de l'actualité. De l'actualité, puis en même temps, parce que les visages sont quand même assez, on dirait quasiment frustrés, ou en tout cas, tu sais, il y a de l'animosité un peu, on le sent. Oui, oui. Mais finalement, quand on lit le titre, on fait comme « ouf ». Tout ça ouais, pour ça. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Ça nous renvoie des comportements, justement, pas peu glorieux, si je peux dire, liés à cette consommation-là de ces objets technologiques. Hein. On pense au iPhone, au prochain iPhone, justement. Les gens vont se ruer là-dessus, ils vont être les premiers à l'avoir. En profite, alors que pourtant, c'est souvent des moments, d'ailleurs, en famille, que les fêtes de Noël. Donc, c'est vraiment cette fine arête là où il nous amène, c'est-à-dire qu'on comprend que c'est le temps des fêtes, des festivités, mm-hmm. puis finalement on vit quelque chose de clairement directement lié à notre avidité de consommation. Donc c'est quand même inconfortable. Moi j'étais bien fascinée, en même temps je trouvais ça très esthétiquement très intéressant. Je veux dire, c'est quand même tout doux, ces sphères là qui nous sont présentées. Donc il y a quelque chose de vraiment intéressant dans les sujets. Donc c'est ça, on a plusieurs tableaux, tout ça, ce serait intéressant de parler de plusieurs d'entre eux là, mais je me concentre sur Black Friday pour ce qui est des tableaux. Les sérigraphies aussi qui sont beaucoup plus, donc de plus petits formats, sont beaucoup plus intimistes, puis tout aussi intéressantes. Là, il y aurait vraiment beaucoup de choses à une belle parler. Qualité, moi, j'ai trouvé d'impression, puis de détails aussi sur ces œuvres-là. Là. Tout à fait. Mm-hmm. Puis, donc, Boilly m'expliquait qu'il prend vraiment un grand plaisir à, disons, s'amuser avec ces sérigraphies-là, au sens où elles lui prennent un temps différent que le temps dédié à ces grands tableaux. Oui. Donc, c'est vraiment des explorations, des œuvres bien intéressantes qui sont très diversifiées aussi. Là. Donc, mm-hmm. si on regarde par les années passées, tout à fait intéressant. Et puis, on a pris un temps aussi ensemble pour discuter, moi et Julien, de ce fameux prix d'Artagnan II dont il a été récipiendaire, qu'il est toujours d'ailleurs en cours. Il va passer très bientôt le relais au prochain récipiendaire. Le projet d'Artagnan II qui a été initié par le Centre Bang, donc à Chicoutimi, c'est absolument novateur comme projet puisqu'il y a environ, donc tout près d'une dizaine de partenaires, on parle de Sagami, le Centre Toutou, la ville Saguenay, qui ont mis en place ce prix qui consiste donc, attachez bien votre TUC, recherche et création. Donc, il a passé un temps de résidence à Petit-Saguenay. Recherche et création, production, donc des cachets de subsistance et aussi de matériaux. Exposition au Centre Bang. Donc, déjà ça, c'est assez riche. Oui. Mais là, par-dessus, on ajoute une publication. Donc, auteur... non, il m'a pas dit encore c'était qui. Là, ça semblait être un petit suspense, mais donc de la réflexion, de la théorie sur son travail. Puis, en plus, un événement international. Donc, c'est absolument C'est magnifique comme complet. Prix, finalement. Oui, oui, oui, on peut vraiment demander mieux. Puis, il en parlait avec beaucoup d'enthousiasme. Donc, en tout et partout, ce sera un projet qui aura duré environ 18 mois. Donc, c'est absolument considérable dans le parcours d'un artiste. Puis il disait, faut exporter ce concept-là ouais. Parce que c'est extrêmement riche. C'est plus qu'un coup de pouce. Là. Oui, puis c'est parce que ça permet vraiment aux artistes de se dédier entièrement à leur pratique plutôt que d'avoir aussi des emplois de subsistance qui parfois viennent à prendre plus de temps que ce qu'on voudrait justement, ce qui serait souhaitable pour s'adonner à sa propre pratique artistique. Ah ben c'est certain. Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Il y aurait plein de choses à ajouter, je pense que je vous fais là une description qui, j'espère, en tout cas, vous donne très envie d'aller à la Galerie 3. Donc, on rappelle que c'est sur la rue Saint-Vallier-Est. Puis, un lieu très agréable aussi à visiter, puisqu'on y est accueilli d'une façon très chaleureuse à chaque fois. Je vous encourage vraiment à découvrir le lieu, qui d'ailleurs, qui s'est agrandi un tout petit peu, c'est ce que j'ai constaté. Oui. J'ai pas eu l'occasion d'en parler avec eux, mais ouais. Oui, petite galerie qui leur permet d'exposer des œuvres des artistes représentés par la galerie, donc quand même de montrer un peu le travail des autres en même temps là, que le travail principal de l'artiste qui est mis en lumière par l'exposition. Eh bien, on rappelle que c'est jusqu'au 8 octobre que vous pouvez voir Hors champ de Julien Boilly. Eh bien, Lauriane Thibaudeau, merci beaucoup. Ça fait plaisir. En tout cas, ça m'a donné le goût d'aller refaire, je dirais, un petit tour. Oui, il y aura les journées de la culture aussi où Julien Boilly sera sur place. J'ai pas la date. Oui, le samedi 30 septembre, oui. Vous pourrez le rencontrer sur place, donc profitez-en. Bien, excellent. On y sera. Alors nous, on va faire une courte pause audio. On s'en va écouter l'extrait « Being and Time ». On poursuit l'émission en compagnie de Anne-Sophie Homer. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Audrey. Alors, cette semaine, tu avais envie de nous parler de ce qui se passe actuellement à la bande vidéo parce que, comme je le soulignais d'entrée du jeu, c'est le 40e anniversaire qui est souligné par cette programmation qui nous est présentée à la bande de vidéo et il n'y a pas qu'une, mais bien deux expositions qui nous sont proposées actuellement. Mais oui, un bel anniversaire. En fait, la semaine dernière, je vous avais parlé d'Achromatopsie, tout en noir et blanc, pour nous parler d'une exposition finalement qui fait ressortir le côté sombre de notre société. Et je voulais cette semaine vous proposer une exposition qui est cette fois tout en couleurs. Alors cette exposition, c'est Phase 1, Objet Matière, qui est un projet en fait vidéo et sonore réalisé par Mélanie Bédard et 5 artistes qu'elle a invités et dirigés. En fait, lors du vernissage, j'ai discuté avec Mélanie et elle me racontait qu'elle souhaitait un petit peu aller plus vers la matérialité parce qu'elle a passé beaucoup de temps à l'extérieur, en nature, avec des aspects plus subjectifs. Et c'est pour ça que, sur invitation de la bande vidéo, cette fois, elle a décidé d'inviter donc ces 5 artistes pour réaliser des animations dans un laboratoire de création qui est entièrement blanc. Et c'est des savoir-faire réunis comme de la peinture, du tricot, de l'origami, de la gravure qui sont mis en scène de façon joyeuse et colorée. On va un peu s'opposer à ce qu'on a parlé la semaine dernière. Oui. Et ça démontre un réel dynamisme. On a un peu l'impression d'être autour d'une table avec des amis, à un 5 à 7. C'est vraiment quelque chose d'assez joyeux. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est notamment la scénographie du lieu, puisque il y a une partie qui est accessible durant les heures d'ouverture de la vitrine de la manif. Oui, c'est important de le dire parce que ce projet-là n'est pas diffusé dans la salle d'exposition de la bande vidéo, mais tout juste à côté, dans la vitrine de Manif d'art, mais on peut entrer à l'intérieur. Voilà. Donc, effectivement, il y a une première projection du sol au plafond, du plafond au sol, pardon, plus un écran, donc là, tout est en couleur. Et il y a une seconde partie que je trouve hyper intrigante. Si vous vous baladez sur la côte d'Abraham, vous entendez déjà un son qui vous appelle. Là, vous êtes obligé de ralentir. Et là, un fond noir et deux petits rectangles roses. Donc là, on a quelque part envie des pieds. Notre curiosité est mise à dure épreuve. Et là, on peut apercevoir la projection depuis l'extérieur, ce qui nous donne finalement une exposition qui est tout le temps disponible pour le public. Donc moi, je vous invite à longer le bâtiment de Méduse et satisfaire votre curiosité. Oui, bien sûr. Donc vraiment, un peu comme une vidéo stop motion, en quelque sorte, hein, image par image, oui, que l'on peut découvrir. Mais c'est vrai que l'aspect sonore nous accroche. Moi, je me suis fait prendre au jeu en promenant, puis à un moment donné, il s'est passé quelque chose. Tu sursautes au début. Oui, ouais, effectivement. Donc, à découvrir, et ce, comme tu le soulignais, 24 heures sur 24. C'est ou ça. Bien, si on veut être plus intime, pas avoir les sons de la rue, on peut entrer à l'intérieur. Exactement. De la vitrine par la porte de Manif d'art. Mais sinon, il y a aussi une exposition de Jocelyne Alloucherie, voyons, Géométrie, donc qu'on découvre dans l'espace d'exposition de la bande vidéo. Oui, alors effectivement, on est toujours dans le thème de l'anniversaire de la bande vidéo qui a invité Jocelyne Alloucherie. En fait, là, vous pénétrez dans un espace sombre de la galerie de la bande vidéo qui est accessible depuis la côte d'Abraham encore une fois, et vous êtes invité à vous asseoir sur un gradin qui n'est pas sans rappeler finalement la place du public dans un théâtre. Oui. Donc on s'assoit là comme spectateur et on se laisse border par la bande sonore. Il y a un mélange de bruit, d'oiseaux, de coureurs et d'une voix off dont le texte raconte un parcours quotidien dans des jardins publics et questionne de manière poétique la nature de ces espaces. Donc finalement, pourquoi ce texte ? Parce qu'apparemment, l'histoire raconte que Jocelyne Alloucherie aurait entendu un homme tenir ses propos, je dirais pas divagants, mais assez poétiques, sans vraiment de sens concret, il y a 20 ans dans un bus. Elle aurait été vraiment happée par ses paroles, elle se serait laissée voyager dans l'esprit en l'écoutant. Finalement, on ne sait pas qui est cette personne, sans doute un SDF. Et alors, suite à ce voyage en bus, elle a essayé de réécrire ses propos et d'en faire un récit qui est devenu pour cette installation une trame narrative. Les images, finalement, sont dans un teint très pâle, comme le reste du travail qu'on a pu voir de Jocelyne Alloucherie. Oui. Et ça nous... On est dans une période hivernale avec des arbres morts, mais c'est contrasté puisque finalement on entend des oiseaux, des coureurs. Il y a quand même de la vie face à quelque chose d'assez sobre. Mm-hmm. Et finalement, j'ai appris que ce travail pourrait continuer à être enrichi puisque Jocelyne Alloucherie va être à nouveau invitée en résidence à la bande vidéo et elle pourra y rajouter peut-être des éléments de discours ou des éléments de vidéo. Finalement, c'est cette itinérance, cette promenade poétique ne s'arrêtera pas là. Oui. Et moi, ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est drôle parce que oui, tu soulignes le fait de ce récit qui nous est raconté, mais c'est drôle, moi, j'ai pas eu tendance à écouter parce que j'étais vraiment captivée par les images. Mais par ce qu'on y voit, c'est tout à fait anodin. C'est des arbres dans un parc, par exemple. À un moment donné, on voit très peu d'humains, de temps en temps, mais c'est beaucoup des points de vue aériens, hein, vu du bas, là, en contre-plongée, finalement. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est avant tout, c'est ça, ces arbres qui étaient là, donc, qui s'alignaient. Il y avait des jeux de lignes. Elle venait créer aussi des jeux d'opacité avec ces masses de branches à certains endroits. Les jeux de lignes, créés par la façon dont on avait coupé les arbres, la façon comment on les avait alignés aussi. Mais également, à un moment donné, c'est un simple plan qui vise le ciel et on voit la cime des arbres. Mais cette cime-là, comme je disais, a été coupée de façon très géométrique. Et après ça, on aperçoit la fumée d'un avion. Oui, hein, il y a un avion qui passe et qui coupe avec la ligne. Exact. Ouais. Fait que c'est vraiment, moi, on dirait que c'est plus un jeu formel au plan de l'image qui m'a attirée avant tout. Les propos racontés par le narrateur étaient très berçants aussi, nous amenaient, oui, dans cet instant de contemplation-là, mais moi, mon regard n'a pu qu'être attiré par l'image, par, comme je disais, ces jeux de forme, mais aussi de matière, hein, parce que c'est ça, les branches, comment elles sont filmées, deviennent vraiment une matière brute. On sent pas que c'est sur un simple plan, il y a vraiment quelque chose qui se perd, et tu soulignais bien la couleur aussi. Oui. Un peu atténué dans un bleu-gris. Oui, bleu-gris, ouais. Où on sent vraiment l'hiver. Mais c'est vrai que maintenant, si tu me demandais quelles étaient les paroles de ce narrateur, je ne saurais pas te le dire parce que finalement, on est tellement absorbé par l'image. C'est ça. Le son est présent, donc on entend ces petits bruits qui nous bercent. Mais on ne fait pas tant attention à son propos. Il fait vraiment partie de cette navigation visuelle. Exact. Et effectivement, la géométrie est très présente. Tu noteras, il y avait ces arbres d'hiver coupés, vraiment préparés pour qu'ils tiennent l'hiver. D'ailleurs, c'est des parcs en Europe où tout est préparé et aligné, pas planté de façon naturelle. On est dans des allées de parcs. Et il y a ces autres avec... on a des boules dans les arbres pour rappeler un peu la géométrie qui coupe avec cette ligne d'avion. Enfin, il y a énormément de choses à regarder. On est vraiment subjugué face à cette vidéo de voir toutes ces choses que chacun peut voir d'ailleurs un peu à sa manière. Oui, puis un peu à l'image de cette promenade, de cette pérégrination d'une personne fictive, hein, oui, qu'on pourrait croire dans ce parc. On s'y perd, nous aussi, dans la contemplation. Et c'est ça que je trouvais extrêmement agréable et pas réconfortant, mais quand même qui faisait un certain bien, justement, on décroche. Apaisant, zen. Apaisant, voilà, t'as le bon terme, apaisant. Puis c'est ça, on décroche un peu de ce qui se passe à l'extérieur. Puis aussi la galerie en soi, dans sa noirceur, hein, dans cette espèce de petit cocon que ça vient créer, nous amène justement dans cet instant de contemplation. Là, ici, mais en tout cas, moi, j'ai été fort agréablement surprise parce que Jocelyne Anouchery, je ne connaissais pas son travail vidéo. J'avais déjà vu par le passé, il y a longtemps, donc, des sculptures qu'elle avait faites. Mais on est aussi quand même dans une idée, le titre le dit, géométrie. On est encore dans cette idée-là par les images qu'on vient justement de décrire aussi. Et vraiment, je pense que c'est une belle exposition à découvrir si on a envie de prendre le temps. C'est pas trop long non plus, la vidéo. C'est 30 minutes, la boucle. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi, mais si on a envie de décrocher, je pense que c'est une belle occasion de le faire avec cette œuvre. Mais oui, comme le récit finalement est un petit peu aléatoire, on peut y assister, venir après 15 minutes, on n'est pas perdu dans le voyage. Exactement. Eh bien, merci beaucoup Anne-Sophie de nous avoir parlé de ces expositions-là qui, on doit le rappeler, sont en cours jusqu'au 8 octobre. Exactement. Donc, on va se quitter pour quelques pauses publicitaires et on revient de l'autre côté pour jaser avec Jeanne Couture. Allez-y, allez-y, tant que vous pouvez, continuez encore, continuez toujours. Bien, reprenez mon souffle. communication.qc.ca Culture. Le spectacle de la décennie débarque à Québec. La Cour suprême. Les critiques sont unanimes. The direction was stayed. The sets ramshackle, the costumes unremarkable. Un spectacle incroyable, ça a changé ma vie. C'est plus que du divertissement, c'est nécessaire. Ah, ben c'est parce que tout le monde sont après. Un portrait acerbe et audacieux de notre société, très contemporain. La Cour suprême du collectif Omri, du 19 au 30 septembre à premier acte. Réservation 418-694-9656. premieracte.ca. Amateur. Le 24 septembre prochain, viens courir 1, 5 ou 10 km urbains dans une ambiance unique avec comme thématique les Beatles. L'équipe d'organisateurs promet des surprises. Plusieurs artistes des arts de la rue feront partie du parcours pour cette nouvelle thématique. le 24 septembre, de 9h à 11h. Inscrivez-vous sur coursedelacitelimoilou.ca. Une invitation de la SDC 3e Avenue Limoilou, en partenariat avec Desjardins Caisse de Limoilou et le Coureur Nordique. Présentement 18h et vous êtes toujours sur les ondes de CKRL 89.1 en compagnie de Audrey Caro à cette émission intitulée L'aérospatiale où on vous parle des arts visuels à Québec. Et je dois dire que je suis très enthousiaste par rapport à cette entrevue que je vais mener dans quelques instants parce que j'ai fait une très belle découverte cette semaine en lisant un article dans Le Soleil de Josiane Desloges qui nous parlait de l'implantation d'un musée ambulant, un projet pilote dans lequel Jeanne Couture et Catherine-Ève Gadoury ont mis la main à la pâte dernièrement et c'est un projet d'exposition, on va le découvrir avec elle, mais qui cherche à rejoindre des élèves hors des grands centres comme Québec par exemple, mais aller à l'extérieur, en périphérie, dans les zones rurales, les zones éloignées pour donner accès aux arts visuels aux élèves et vraiment, je suis très heureuse de la voir au bout du fil. Jeanne Couture, bonsoir. Bonsoir, Audrey. Alors, Jeanne, dis-moi, ce projet-là, parle-nous un peu des prémices, par où ça a commencé, d'où c'est venu cette idée-là, pourquoi, les objectifs. Vas-y, garoche-nous ça. D'accord. Écoute, en fait, ce projet-là est venu simplement l'idée de, disons, copier les arts de la scène, ou en tout cas de faire des arts visuels de faire des arts visuels un événement qui puisse se promener en tournée, en fait, comme les arts de la scène, qui peuvent facilement rejoindre différents publics en région. Moi, j'habite dans Portneuf, tu le sais, puis maintenant que j'habite dans la région, disons, plutôt éloignée, plus éloignée que la ville de Québec, c'est quand même une problématique qu'on retrouve, là. Oui, c'est plus difficile d'avoir accès à la culture, d'autant plus que dans les écoles primaires, les transports scolaires maintenant en autobus coûtent vraiment une petite fortune et souvent c'est presque le prix qu'ils peuvent mettre là, pour payer l'activité qu'ils vont payer finalement en transport scolaire les écoles. Donc il y a quand même une problématique à ce niveau-là pour aller rejoindre des publics éloignés. Et donc je me disais pourquoi pas faire des arts visuels une espèce de copier-coller de ce qui se fait en art de la scène, de les amener directement au public. Alors, c'est assez simple comme idée. L'idée, c'est vraiment de faire un musée pop-up. Donc, il a déployé une grande tente gonflable. On travaille avec une compagnie de Magog qui loue en fait des immenses igloos, des immenses dômes gonflables pour différents événements à l'extérieur ou intérieur. Et donc, ils sont partenaires de ce projet-là. Nous, on leur prend une tente pour avoir 20 élèves à l'intérieur dans laquelle il va y avoir 8 œuvres d'artistes de la région de Québec et Karine Payette de Montréal. Donc, on a des artistes qui sont autour, dont la thématique que je m'étais donnée comme commissaire là, était de trouver des œuvres autour du jeu. Alors, vraiment, on a comme une esthétique déjà assez joueuse avec la tente gonflable. Les jeunes vont enlever leurs souliers avant de rentrer au musée. Il va y avoir... ça va être une esthétique assez foraine. L'idée, c'est vraiment, là, on se promène comme des forains un peu partout au Québec et puis on déploie l'exposition comme ça dans les gymnases et dans les locaux vacants ou dans les locaux vacants d'école, puisque dans certaines écoles en milieu rural, là, on a quand même pas mal de locaux qui sont vacants. Mm-hmm. Donc, c'est tout simple comme projet, vraiment, mais c'est d'aller rejoindre un public qui n'a pas nécessairement accès au musée ou qui va y aller, disons, une fois ou trois ans, plutôt que chaque année parce que le transport est trop cher. Oui, puis c'est comme tu le soulignais, c'est une problématique à laquelle on ne pense pas nécessairement quand on réside en ville et qu'on a accès très, très facilement, quoique, il faut le dire, des fois, certains même l'oublient, qui est surtout proche de chez nous. Mais en même temps, il y a certainement un désir aussi à l'extérieur pour les gens qui vivent dans ces communautés-là. Ben, je dois dire que moi aussi, habitant l'île d'Orléans, la côte de Beaupré, dans ma jeunesse, c'était pas partout à côté qu'on avait ces artistes, la chance de voir des artistes professionnels aussi à l'œuvre, pas à l'œuvre, mais enfin les œuvres de ces artistes-là. Et c'est vraiment fort intéressant tout ce concept-là. Et vous avez même fait aussi appel à un architecte bien connu de Québec, Éric Rivard, je pense. Oui, mais en fait, c'est Éric Rivard qui nous a trouvé la solution du musée gonflable, finalement. On lui avait donné le mandat de penser à une scénographie facilement montable, démontable pour accrocher des œuvres et tout ça. Et finalement, il en est venu à la conclusion ultra simple qu'on n'avait pas pensé, c'est de tout simplement avoir un musée gonflable. Donc, suite à ça, on s'est tourné vers une entreprise à Magog qui fait ça. Puis non, ça nous a vraiment là solutionné plein de problèmes techniques. Écoute, c'est super simple. Ça rentre dans le musée rentre complètement là dans une remorque. Donc dans une remorque de pick-up, c'est assez léger. Donc on a des œuvres qui se déplacent bien, beaucoup d'œuvres 3D, certaines 2D aussi. Mais c'est l'idée, c'est vraiment là, de pas trop s'encombrer, d'arriver avec quelque chose qui, oui, qui flash, comme on dit, que les jeunes vont être très excités de voir. On sait, les choses gonflables, les enfants aiment ça. Donc, oui. Ils sont déjà attirés par cet univers-là. Donc, pour nous, c'est assez déjà avoir une structure gonflable dans l'école, donc dans leur environnement. Ça aussi, c'est le fun parce que on vient épicer un petit peu leur quotidien. Donc, on a quelque chose de nouveau qui arrive à l'école. Et puis nous, ben, on a 4 classes qui viennent visiter par jour le musée. Ils vont faire une visite de musée de 50 minutes et pendant l'autre période, ils vont faire un atelier de création en lien avec une des œuvres qui a été présentée, qui est aussi rattachée au programme éducatif du ministère de l'Éducation. C'est Catherine-Ève Gadouri qui a monté ces ateliers-là. Il y a en elle une formation là, en éducation des arts. Donc, elle a vraiment rattaché là, des ateliers qui permettent là, de pratiquer certaines compétences en fait qui sont demandées par le ministère de la culture, le ministère de l'éducation, pardon. Oui, c'est ça. Et puis peut-être juste avant d'entrer dans le côté pédagogique, moi je voulais te parler des œuvres aussi parce que les ateliers ont un rapport aussi avec ces œuvres-là. Tu disais 8 œuvres d'artistes principalement de Québec et une de Montréal, mais ce que j'ai retenu, c'est particulièrement la diversité des œuvres que tu proposes, peinture, sculpture, vidéo, tricot, collage, sérigraphie. Bref, c'est intéressant parce qu'à la fois, on touche aux arts visuels, aux métiers d'art et on donne vraiment un aperçu quand même assez diversifié aux élèves du travail d'un artiste, finalement. Oui, c'est vrai. On sort tout à fait de la peinture. En fait, on a seulement Dan Bro qui propose une œuvre, mais pour le reste, j'ai beaucoup justement de pratiques qui sont pas nécessairement là, pensées d'un premier abord là, par les professeurs d'ailleurs qui enseignent les arts visuels et qui vont plutôt enseigner la peinture ou le dessin. Donc on a, oui, ces pratiques-là, mais sont en minorité, effectivement. Je voulais vraiment montrer une diversité de pratiques et puis de montrer qu'effectivement, par exemple, le tricot ou le tissage de jacquard, comme j'ai dans l'exposition, ben c'est aussi une forme d'art et puis les jeunes sont peut-être plus habitués à voir ce genre d'œuvres-là ou de pièces d'ouvrages textiles-là dans leur maison. Donc, ça les rapproche un petit peu aussi de leur quotidien à ce moment-là. Oui, puis aussi que c'est traité de façon tout à fait originale et contemporaine. Hein? Oui, effectivement. Donc, on a le souper de Noël de Colly Fichet là, qui a été présenté à plusieurs reprises à Québec, qui va être présenté dans le cadre du musée. En plus, on fait la tournée en novembre, donc c'est pré-Noël. Donc, on a aussi une super pièce de jacquard. Alors, d'Anne-Marie Groux, ça aussi, c'est une pièce murale, mais on a peut-être peu moins l'habitude de voir des pièces comme ça au mur. Mm-hmm. Alors, vraiment, on a, oui, c'est tout à fait actuel, ces textiles-là. Puis, collage de José Landry Sirois, des papiers de bonbons. On a d'ailleurs un atelier là, qui va demander aux jeunes de conserver leur papier de bonbons de l'Halloween pour faire un immense collage à la manière de José, là, collectif avec toute l'école. Donc, on met vraiment les jeunes, au niveau des artistes, on leur dit, là, ben, vous pouvez sortir aussi un peu des ateliers que vous faites dans vos cours d'art qui sont pas nécessairement là, aussi éclatés, si on veut dire. C'est ça, qui sont très structurés, puis qu'il y a des objectifs de dire, bon, ben, il faut que tu fasses une ligne droite comme ça, puis que tu, tu sais, tu débordes pas du dessin, en quelque sorte. Là, oui, on peut s'éclater, puis c'est ce que je disais ici. C'est vraiment intéressant parce que c'est ça, oui, les ateliers font un pont avec les œuvres et aussi, mais en même temps, oui, on parle de collage, mais je pense notamment à celle qui est proposée autour de l'ours de Paris Martin. Mm-hmm. Je trouvais ça très intéressant par rapport aux émotions aussi. Ça permet aux élèves, je trouve, de bien pouvoir observer pas seulement le rendu, mais également ce qui se dégage, hein, ce qu'ils vont ressentir d'une œuvre par l'observation de ce magnifique ours qu'on avait vu ici à l'œil de poisson notamment. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment des ateliers qui sont hyper créatifs, en fait. L'atelier de l'ours dont tu parles, on va demander aux enfants, préalablement, les professeurs vont leur demander d'amener un toutou. Donc, ça, c'est pour les plus jeunes, quatrième année et moins, d'amener un toutou de la maison. Donc, déjà, on leur fait associer l'art visuel à quelque chose qu'ils aiment, qu'ils reconnaissent. Et on va demander aux jeunes, donc, de faire des émotions, de transformer leur animal ou leur toutou avec une différente émotion, en fait, en s'inspirant de l'ours qui est en colère, si on veut, dans l'œuvre de Paris, ou en tout cas de pouvoir discerner différentes émotions avec les visages. Donc, on leur donne différents bouts de papier, puis ils vont pouvoir transformer leur ours. Puis on va faire un petit photo shoot après de l'enfant qui a la même émotion que son toutou comme tel. Donc, ça va vraiment être très intéressant. Puis les jeunes vont recevoir après ces photos-là, ils vont pouvoir les afficher. Donc, on travaille beaucoup avec les professeurs aussi pour ça, pour laisser un leg hein, à l'école, mm-hmm. qui puisse reparler nos ateliers, qui puisse avoir là, des images, des œuvres collectives ou des choses qu'ils vont pouvoir poursuivre suite à notre venue aussi. Là. C'est ça, vraiment susciter l'intérêt et garder ça en mémoire, hein, créer une expérience qui va rester probablement gravée dans leur mémoire pour un certain temps, ça c'est sûr. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment ce qu'on veut, c'est qu'on veut que quand les jeunes pensent à art visuel, bien, qu'ils fassent « Ah oui, c'était tellement extraordinaire, c'était tellement le fun quand on a eu la visite d'un musée, je veux aller voir un musée ». Dans la vie. Donc, tu sais, c'est de d'associer, en fait, musée, art visuel à quelque chose d'excitant, de curieux. C'est vraiment pour associer ça, cette venue-là, à des émotions aussi chez les enfants, là, pour qu'ils puissent demander à leurs parents, en fait, d'aller au musée national avec eux. Donc, de les envoyer après au musée avec leurs parents. Exact. Et aussi, je disais que le projet va être documenté parce qu'il y a une autre collaboratrice au projet, c'est Sarah Bélanger-Martel, qui a d'ailleurs animé quelques émissions ici l'an dernier, donc qui va faire un projet de recherche autour de ce que vous allez mener, hein, parce qu'il faut dire que là, c'est un projet pilote. Vous allez faire 6 sorties, mais quand même, elle va documenter tout ça, je pense, pour un projet de recherche. Oui, exactement. Donc, dans le cadre de sa maîtrise en sciences de l'éducation, Sarah travaille sur, en fait, la réception des jeunes du primaire, leur réception des œuvres d'art. Donc, comment ils peuvent la reçoivent au niveau des émotions, mais aussi ensuite au niveau de qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre, finalement, suite au contact avec les arts. Donc, c'est à quoi elle travaille. Et puis, elle prend comme objet de recherche, finalement, le musée ambulant. Donc, elle va nous suivre vraiment pendant toutes les sorties. Elle va faire les visites avec nous. Elle va faire des retours avec les jeunes dans les classes, avec les professeurs aussi. Elle va vraiment utiliser ce matériel-là comme outil là, de base, vraiment, là, pour la rédaction de son mémoire. Et elle va l'utiliser vraiment comme... à savoir, là, est-ce que c'est quelque chose qui peut... aider justement les jeunes ou les professeurs là, pour faire rentrer certaines notions des fois plus complexes, des plus avec plus d'émotions ou avec en fait selon ses recherches le préliminaire, c'est que bon, on associe des émotions ou des images beaucoup plus facilement dans notre cerveau qu'avec des mots ou en écoutant dans une classe. Donc, on va essayer de passer là, certains messages avec le musée. On va voir ce qui va s'en sortir. Mais effectivement, on va avoir un beau mémoire de maîtrise qui va être rédigé là, autour de ce projet-là. Oui. Et puis, en plus, cette première tournée est soutenue par le Conseil des arts et des lettres du Québec. C'est quand même un soutien non négligeable. En effet, oui. Non, c'est vraiment grâce... au calque là, qu'on peut réaliser ce projet-là. On a été subventionné par le soutien au projet jeunesse. Donc, c'est vraiment ça qui nous permet de donner le coup d'envoi de ce projet. Puis, on travaille présentement à vraiment structurer un financement qui puisse être pérenne et pour offrir ce projet-là au plus d'écoles possible. En fait, depuis que l'article en question dans le Soleil a été publié, on a énormément de demandes, honnêtement, en Abitibi, dans le coin de l'Estrie, au centre du Québec, en Mauricie. On reçoit vraiment des courriels là, de professeurs, de direction d'école qui souhaitent vraiment recevoir ce genre de projet-là. Pour eux, ça répond à non seulement un besoin des professeurs d'être encadrés au niveau de l'éducation artistique, mais aussi là un besoin des jeunes et du transport scolaire justement qui est difficile à faire arriver là dans les régions. Donc oui, on sent vraiment on se sent très supporté au niveau des directions d'école et des commissions scolaires là. Puis oui, on travaille pour d'autres tournées là au printemps et à l'été. On espère que ça va fonctionner. Bon, en tout cas, c'est vraiment ça a un bon début tout ça. Et puis il y a un site web qui est en construction, mais on peut quand même aller écrire justement à info@commercialmuséeambulant.com si des fois vous souhaitez avoir des informations par rapport à ce projet-là. Et je pense que c'est voué à vraiment, en tout cas c'est un bon départ, mais c'est voué à un beau futur tout ça. Puis c'est très positif, je trouve, aussi pour les enfants. Puis non seulement c'est ça, pas que faire bénéficier les arts visuels aux enfants de la ville hein, qui sont proches de ces infrastructures-là, mais vraiment à une population beaucoup plus large et plus qui n'a pas justement accès à ces services-là tout proche. En tout cas, bravo à toi, à Catherine Ève, également aussi à Sarah Bélanger-Martel. Enfin, c'est vraiment un super projet qu'on va suivre avec grand intérêt. Merci beaucoup, Jeanne Couture. Merci, Audrey. Bonne soirée. Parfait, bonne soirée. Alors nous, on s'arrête pour une pause audio. Toujours Téviski qui est là avec « The Garden of the Sun ». Eh bien, c'est déjà le temps de faire avec vous un survol des événements qui vont marquer la semaine. Et comme je vous le disais d'entrée de jeu au début de l'émission, c'est une semaine encore une fois bien remplie, mais qui est très diversifiée, pas seulement que des vernissages, mais des événements fort intéressants auxquels assister dans la prochaine semaine. On débute justement actuellement depuis hier. Il y a l'exposition de Sarah Thibault à Espace Parenthèse qui a débuté. Et pour rencontrer l'artiste, le vernissage va avoir lieu, ce jeudi, donc 21 septembre à 17h30. Et c'est intéressant parce que Sarah Thibault expose, c'est un doublé, si on peut dire, à la fois chez Espace Parenthèse et chez Regard de l'autre côté à Lévis. Donc, si vous aviez envie de voir deux projets de cette même artiste, c'est possible de le faire en même temps. En ce moment, actuellement, donc pour ceux, si des fois vous n'êtes pas très loin de Sainte-Foy-Sillery, à la maison Amel Le Bruno, c'est le vernissage de l'exposition Adieu, la photographie, matérialité et gestes en photographie actuelle, sous le commissariat d'Hélène Matt. C'est une douzaine, c'est des œuvres de 12 artistes plutôt actuels qui vont explorer les procédés anciens de la photographie argentique et de la chambre noire ou qui vont intervenir directement sur des photos anciennes. On note justement la présence d'artistes comme Patrick Altman, Michel Campeau, Guillaume Dessir, ainsi que Jacinthe Lessard-Elle et Georgia Volpe également aussi. Donc vraiment une exposition qui va valoir le détour, mais qui est quand même jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc ça nous laisse quand même le temps de faire le survol de cette exposition-là. Sinon, jeudi et vendredi, les 21 et 22 septembre, de 10h à 17h, vous vous souvenez de ces fameux projets de Folie Culture, le bureau de la Poste. Cette semaine, c'est Alexandre Bérubé et ses collaborateurs, Maude Arès, Julien Lebargie et Jean-Michel René, qui vont justement élaborer un projet avec les gens du quartier Saint-Roch. Donc, cette joyeuse bande va se trouver de 10h à 17h sur le parvis de l'église Saint-Roch. Et de cela, donc de ces rencontres avec les gens, va émerger un projet qui sera présenté donc ce vendredi à compter de 17h. Donc, si vous avez envie de participer à ça, c'est votre dernière chance parce que c'était le troisième, si on peut dire, le troisième groupe de trois, donc, qui fait partie de cet événement-là. Sinon, ce samedi, il y a les passages in situ, donc dès 15h, c'est sur le pont Lavigueur qui va se transformer en lieu de diffusion de performances à la fois dansées, où les arts visuels et sonores vont se rencontrer aussi pour mettre en lumière l'histoire du pont aux abords de la rivière Saint-Charles. C'est une première représentation qui sera lieu à 15h30 et une autre aura lieu à 16h30. Le vernissage de l'exposition qui est relié Passage de Myriam Lambert à la Maison de la danse va se faire tout de suite un peu plus tard, donc à 18h cette même journée. C'est aussi samedi que va débuter l'exposition « Secrets de bestiaire » de notre nouvelle chroniqueuse, Fanny Ménard, que vous aurez le plaisir d'entendre la semaine prochaine. Elle sera en cours à la bibliothèque Gabriel Leroy. Le vernissage aura lieu donc la semaine prochaine, le 1er octobre, mais vous pouvez voir dès ce samedi l'exposition en allant chercher un livre à la bibliothèque ou tout simplement si vous passez dans le coin. Sinon, lundi prochain, le 25 septembre, c'est une conférence fort importante à ne pas manquer qui est présentée par le Club des collectionneurs en arts visuels de Québec. C'est fort intéressant, cette conférence-là. C'est l'artiste français Jean-Pierre Reynaud. Peut-être ce nom-là va vous dire quelque chose si je vous dis le fameux Cube blanc, dialogue avec l'histoire, cette œuvre qui a été détruite en 2015 en grande pompe par la ville de Québec, si on peut dire en grande pompe médiatique. Ça le fait beaucoup jaser, donc, à l'été de 2015, cette sculpture, justement, qui avait une forme très géométrique, justement, avec des blocs blancs, de marbre blanc, eh bien, elle a été détruite et le Club des collectionneurs en arts visuels de Québec accueille l'artiste à Québec, donc qui se déplace spécialement pour cette conférence, pour discuter, oui, à la fois d'art public, mais également discuter de sa pratique artistique, de sa relation, il faut le dire, privilégiée que l'artiste entretenait avec Georges Rémy, alias Hergé, vous savez, ce fameux créateur de Tintin dont le personnage fait actuellement l'objet d'une exposition au Musée de la civilisation. Donc, cette conférence a lieu à l'ENAP, donc à l'École nationale d'administration publique dans le quartier Saint-Roch. C'est à l'auditorium et c'est gratuit. Ce lundi soir, 25 septembre, ce sera certainement l'occasion, j'imagine, de faire un retour sur toute cette controverse autour de l'œuvre, mais aussi, on annonce également, hein, dans un article paru dans Le Soleil la semaine dernière, qu'on va dévoiler un projet privé qui va viser à redonner vie à l'artiste, à une œuvre de cet artiste-là plutôt. Ce n'est pas une recréation de la même œuvre, mais bel et bien une toute nouvelle œuvre de cet artiste qu'on doit souligner de réputation internationale. Et c'est Maître Bellemare qui est un peu derrière Marc Bellemare, bien sûr, qui est derrière toute cette conférence, mais aussi cette revalorisation du travail de l'artiste. On nous dit dans l'article que ce sera, oui, bien sûr, une occasion de corriger l'erreur de 2015, mais aussi d'amener une sculpture qui va s'inscrire rapidement dans le paysage des Québec. On dit qu'elle est signée, elle est dessinée aussi, et reste encore à déterminer l'endroit. Et tout ça est un projet financé par des fonds privés, comme je soulignais un peu plus tôt. Donc, vraiment une annonce assez réjouissante malgré le fiasco qu'il y avait, si vous me permettez l'expression, qu'il y avait eu à cette époque. Donc, à ne pas manquer, vraiment une conférence qui s'annonce très, très enrichissante et importante aussi, qui, comme je rappelle, lundi 25 septembre à 19h. Les portes vont ouvrir soit à 18h15, donc à l'ENAP, l'École nationale d'administration publique, c'est à l'auditorium. Et également, il faut souligner que c'est la dernière fin de semaine pour aller voir des expositions au Musée national des Beaux-Arts du Québec. Le temps file. Donc, cette magnifique exposition de Maud Lévesque sur un portrait de la vanité de la collection du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Ne manquez pas ça. Vraiment une magnifique exposition très diversifiée où on y trouve des œuvres d'art anciennes et contemporaines qui se côtoient sous le thème du passage du temps, de la mort, du temps qui file, de l'éphémérité aussi. Et ce sera une belle occasion pour voir La nature morte de Claudie Gagnon qui, à vrai dire, a vécu hein, vraiment pendant toute cette exposition-là qui s'est détériorée au fil du temps. Justement, ce sera à ne pas manquer. Et il y a aussi l'exposition de Carl Trahan qui se termine également récipiendaire du prix en art actuel qu'il ne faut pas manquer. Et c'est ainsi qu'on termine cette édition de l'Aérospatiale. Et comme à chaque semaine, je vous invite bien sûr à rattraper l'émission en balado-diffusion si vous en avez manqué un bout. C'est sur notre page web aérospatiale.ckrl.wordpress.com ou sur le site de CKRL également aussi. Je vous invite à aller consulter notre page Facebook et notre Instagram. Un grand merci à nos chroniqueuses Lauriane Thibodeau et Anne-Sophie Homère, de même qu'à notre invitée Jeanne Couture. Je salue ma comparse de cette émission, Jean-Tiane Lafrance, qui nous écoute en direct de Matane. La mise en onde a été assurée par notre bordure de la console, Jacques Gignac, merci d'être là à chaque semaine avec nous. La semaine prochaine, je m'entretiendrai avec Geneviève Chartrand, qui expose actuellement à la Galerie des arts visuels, et on va parler de l'exposition d'Andréane Dupuis-Bourette à Engramme. Et je vous laisse entre les mains de Pierre Blais et toute son équipe qui vous attendent en direct de la Ninkasi pour l'émission Situation critique. Ils vont discuter avec vous de cinéma. Et nous, on se dit à la semaine prochaine à 17h30. Bonne semaine! Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Le Palais Montcalm vous offre le meilleur du rock progressif avec le groupe Moulette. On dit de ce groupe britannique qu'il redéfinit la musique progressive pour une nouvelle génération. Le public les adore, les médias en raffolent, ils sont électriques et acoustiques, ils sont sophistiqués et imprévisibles. Le 5 octobre, vivez la musique à son meilleur avec Moulette. Plus de détails au palaismontcalm.ca. CKRL, c'est la culture artistique, musicale, mais aussi entrepreneuriale, politique, environnementale et sociale. Une radio unique pour découvrir la relève artistique et musicale et l'information différente, locale et alternative. Par sa mission et son engagement, notre station ouvre ses ondes à des centaines d'organismes ou entreprises communautaires et culturelles. La radio communautaire de l'année pour 3e année consécutive. Ils ont choisi d'appuyer CKRL. L'Association canadienne pour la santé mentale, filiale de Québec. Antitube, la Maison des femmes de Québec, salle Albert Rousseau, l'Association pour la défense des droits sociaux, Québec Métro. Maintenant, c'est à notre tour de les encourager. À la librairie Pantoute, les livres sont testés sur des libraires. Ce mois-ci, Édouard, de la succursale du Vieux-Québec, vous propose la BD Imbattable, tome 1, Justice et légumes frais, de Pascal Jousselin. Une œuvre de haute voltige qui joue des codes de la BD avec un génie digne de Little Nemo in Slumberland. Incontournable. Et Victoria, de la succursale Saint-Roch, vous suggère le roman La dent du serpent, de Craig Johnson. Entrez dans l'univers rocambolesque du shérif Longmire, un thriller western empli d'humour, de tendresse et de noirceur, ayant comme toile de fond la beauté sauvage du Wyoming. Une écriture en finesse tout simplement remarquable. La librairie Pantoute, une librairie indépendante, des libraires passionnés et plus de 50 000 titres à vous proposer. 1100 rue Saint-Jean et 286 rue Saint-Joseph-Est. En septembre, voyez au cinéma Le Clap, le dernier Vice-roi des Indes de la réalisatrice Govinder Chadha à partir du 1er septembre. Moon, le gardien de la lune de Benoît Philippon et Alexandre Eboyan dès le 8 septembre. Et au pire, on se mariera de Léa Poul dès le 15 septembre. Les Rois mongols de Luc Picard à partir du 22 septembre. Et les Bombes de plage le 29 septembre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca ou téléchargez notre application mobile. Bon cinéma. L'Orchestre symphonique de Québec, sous la direction de son directeur musical Fabien Gabel, ouvre sa saison en grand avec Alain Lefebvre et le Concerto de Québec. Redécouvrez cette œuvre teintée de grand romantisme et qui fut composée par le prodige québécois André Mathieu. Aussi au programme, le spectaculaire Concerto pour orchestre de Bartók, qui mettra en lumière toute la virtuosité de l'orchestre. Rendez-vous le mercredi 20 septembre à 20h au Grand Théâtre de Québec. Tous les détails sur osq.org, Hydro-Québec, partenaire de saison. Une famille d'aveugles est hantée par la mort tragique de leur deuxième enfant et tente de le ressusciter à travers l'enseignement mystique d'un guérisseur russe. Mais cette prémisse